au nom de Jésus-Christ. Niko na misalimia mubote mujina kwa Yesu Kristo. Je vous salue tous au nom de Jésus Christ. Mina misalimia mubote mujina Yesu Christ. Yesu tuko mfura. Tuko mfura. Tujue ubeni surishma. Mungu amibariki kwa hotel. Frères et sœurs de la Zambie continuent à vous saluer au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et je parlais ce soir avec le frère Honoré de Kolwezi. Il vous a salué au nom de Jésus-Christ. Le frère Frank de Ndola. Nduku Frank wa Kundola. En Zambie. Muzambia na nduku Kaniki na nduku Kaniki wa Kuzambia na hivyo pia tumisalimia mjina wa Yesu Kristo. Utaweza kushima mwanjo kusoma sehemu ya andiko. Nous sommes dans Proverbe 12. Tuko mu Mezali 12. Nikipata ulimwengu nakupata Yesu Mwokozi, sitakuwa na furaha kamwe, kitu cha dunia ni bure. Yeah. Baba yetu na Mungu wetu. C'est toi qui nous as sauvés. Ni wewe ndio tuokoa. C'est toi qui nous console dans tous nos afflictions. Ni wewe unatufariji mwa ugusuni yetu yote. Console ton peuple à Kambov. Fariji taifa yako mkambo. Et tout ce qui a un fardeau. Na ule wote una mzigo. Toi seul tu es le repos. Wewe peko jo kupumziko. Je te demande Père Céleste. Mina kulomba Baba kumbi. De nous bénir. Utubariki. Et de commencer avec nous. Na uanze pamoja nasi. Terminer avec nous. Na umalize pamoja nasi. Au nom de Jésus-Christ. Jina Yesu Kristo. Nous prions ainsi. Tunaomba hivi. Amen. Amen. Proverbe 12. Mezali 12. Proverbe 12. Mezali 12. L'homme verset 10. Mustari ya pili. L'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel. Mutu mwema ekunachikokotea faida wa milele. Mais l'Éternel condamne celui qui est plein de malice. Lakini wa milele unahukumu ule kumwekujana bujanja. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Mungu aongeze mabaraka kusomea neno yake. Lisons aussi Proverbe 11, chapitre 11. Nous sommes maintenant à Mezali 11, Mustara 11. Le verset 28 et le verset 27. Mustari 27. Le verset 27. Mustari 27. Celui qui recherche le bien s'assure de la faveur. Ule kuna tafutisha bizuri unajikokotea faida. Mais celui qui poursuit le mal est atteint. Ule kuna fukuza bibaya eko napatikanika. Que Dieu vous bénisse tous. Mungu amibariki mobote. Que Dieu vous bénisse tous. Mungu amibariki nyote. Nous parlons sur un sujet intitulé. Tukuna semea yulu ashina inaitwa. Comment un homme de bien, comment l'homme de bien s'attire. Je muntu mwema de Dieu. Et qu'on a jifutia faida ya Mungu. Et hier nous avons montré qui est cet homme de bien. Na jana tulionesha ni nani ule muntu mwema. Et nous avons dit que cet homme de bien, c'est celui qui a Christ dans sa vie. Na tulisema ule muntu mwema ni ule kuna Christ ndani ya maisha yake. Cet homme là est appelé un homme heureux sur la terre. Na ule muntu unaitwa muntu mwaheri pa dunia. Un homme heureux sur la terre, c'est un homme qui a reçu Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Et nous avons dit que tout homme qui est sauvé sur cette terre ne doit pas mettre sa confiance sur les hommes. Jamais. Notre espoir et notre exemple, c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et aucune personne dans l'Église ne doit pas mettre sa confiance dans un homme. Et Frère Branham, qui est le prophète de cet âge, il vient. Et il avertit l'Église avant sa mort qu'aucun homme, même sur l'Église où Frère Branham était pasteur, il dit qu'aucun homme ne doit pas mettre confiance en l'homme, y compris Frère Branham. Et il est dit clairement cela dans le message question et réponse numéro 2, paragraphe 8, 12 et 15. Anasema waziwazi mwile maulizo na majibu. Il dit ceci. Anasema hivi. Il dit ceci. Anasema hivi. Dans question et réponse numéro 2, au paragraphe 8, 12 et 15. Maulizo na majibu numéro 2. Il dit ceci. Anasema hivi. Il met l'Église en garde. Anaweka, anakalamusha kanisa. C'est avant sa mort. Nimbela ye kufa. Je crois 2 ans avant sa mort, il met l'Église en garde. Il dit ceci. La seule chose dans laquelle vous devez placer votre confiance, c'est l'ainsi dit le Seigneur venant de la Bible. Est-ce que l'Église de Kambov écoute cela? Je n'entends pas. Est-ce que l'Église écoute cela? C'est ça. Il met en garde l'Église de ne point mettre confiance à une autre chose. Il dit, vous placez seulement votre confiance dans les ainsi dit le Seigneur venant de la Bible. C'est pourquoi nous disons dans notre doctrine toujours que notre absolu c'est la Bible. Notre absolu c'est la Bible. Donc tout ce que tu dis, ça doit être la parole. Même si j'ai lu le message de Frère Branham, la citation de Frère Branham n'est pas mon absolu. Est-ce que vous comprenez cela? La citation de Frère Branham n'est pas mon absolu. Quand Frère Branham dit quelque part là-bas, on doit toujours faire recours à la parole à notre absolu. C'est la vérité. C'est la vérité. Et il dit, tout ce qui est contraire à cela, vous mettez ça à côté. Est-ce que l'église écoute cela? Il continue à dire ceci. Maintenant l'église, c'est exactement là que j'essaie de vous garder. C'est ainsi que j'aimerais vous garder. Donc, on ne garde pas l'église en dehors de la parole. Donc, même mon frère, notre berger, qui est ici, il ne peut pas vous garder en dehors de la parole de Dieu. Car s'il vous garde en dehors de la parole, tout vous ira en enfer. C'est comme ça. Donc c'est ainsi que j'essaie de vous garder mes enfants. Vous voyez, il voit l'église comme ses enfants. Puisque notre père, c'est Dieu, mais il a appelé frère Branham comme le pasteur de l'église. Et il dit, c'est ainsi que j'aimerais vous garder mes enfants. Et si quelque chose m'arrive et que Dieu monte de cette terre, si je meurs aujourd'hui, il dit, ne faillissez jamais. Ne faillissez jamais. Souvenez-vous de ceci de tout votre cœur. Restez avec cette parole. Est-ce que vous voulez rester avec la parole? Église de Kambo, vous voulez rester avec la parole? C'est la vérité. Ne laissez pas tomber cette parole. Tout ce qui est contraire à la parole, mettez-le à côté. Mettez-le à côté. Tout ce qui n'est pas la parole, on met à côté. Tout ce qui n'est pas dans la Bible, on met à côté. C'est ça. Souvenez-vous de ceci de tout votre cœur. Restez avec cette parole. Ne laissez pas tomber cette parole. Tout ce qui est contraire à cela, mettez-le de côté. Peu importe ce que c'est. Même si la chose se voit. Mettez ça à côté. Peu importe ce que c'est. Vous savez donc. Donc c'est juste, voyez-vous. Mes enfants, retournez à la parole aussi vite que vous le pouvez. Donc c'est le retour à la parole. Tout ce que nous lisons, même les messages, même ce que Frère Franck prêche, tout doit être ramené à l'absolu. Tout. C'est la vérité. C'est la vérité, mes frères. Aujourd'hui, il y a des fanatismes dans les messages. Mais nous avons trois fanatismes dans les messages aujourd'hui. Nous avons les gens de Branham. Nous avons les gens de Franck. Et en Zambie, nous avons les gens de Joseph Branham. Nous ne sommes pas derrière un homme. Nous sommes derrière la parole. C'est la vérité. Aucun croyant ne doit pas être derrière un homme. Jamais et jamais. Notre référence, c'est la Bible. Notre référence, c'est la Bible. Tout ce que nous faisons, nous consultons la Bible. Si frère Branham parle, je lis une citation, je fais recours à la Bible. Frère Franck parle. Je fais recours à la Bible. Frère Daï, le berger parle. Je fais recours à la Bible. Puisque c'est ça notre absolu. C'est la Bible. C'est la parole. C'est la parole. Et vous voyez maintenant, dans cet âge, il avertit cela. Et c'est lui qui nous avertit ici. C'est lui qui nous avertit ici. C'est le prophète de l'âge. Et la parole vient au prophète. Dieu révèle ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Et c'est le prophète qui nous avertit qu'un bon croyant doit être affermi dans la parole. Il doit faire la parole son absolu. Il doit faire la parole son exemple. Il doit se confier en l'Éternel. Pas un homme. Et quand vous faites cela, alors votre foi est fondée sur les promesses de Dieu. Maintenant votre foi est fondée uniquement sur les promesses de Dieu. Là, vous marchez seulement uniquement à ce que Dieu a dit. Pas à ce que l'homme a dit, mais à ce que la parole a dit. Maintenant mes frères, regardez un peu. Hier, nous avons lu une écriture. C'est dans Esther chapitre 6. Et quand nous voulons d'abord revenir un peu là-bas dans Esther chapitre 3, on voit un homme, Aman. Tunaona mtu mmoja Naman. Aman qui va voir le roi Assyris. Ule nam Aman. Qui voit le roi Assyris. Naman akaona mfalme Assyris. Ah. Quand vous lisez au verset 8. Kama tunafika kumstari ya 8. La Bible dit, alors Aman dit au roi Assyris, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples. Et un peuple parmi, à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples, et n'observant point les lois du roi, il n'est pas dans l'intérêt du roi de les laisser en repos. Et voilà cet homme Aman. Il est allé influencer les rois Assyris. Arienda kumchonganisha mfalme Assyris. Pour tuer les Juifs. Juu ya kuwa Bayuda. Et vous voyez mes frères. Na munaona banduku yangu. Les Juifs étaient dans cette terre ici, là où le roi Assyris était roi. Moule mufalme Assyris a quoi mufalme? Et c'était une terre étrange pour eux. Quoi ni fazi bulongo ba benyeo? Sur cette terre, nous sommes des pèlerins et voyageurs. Banduku yangu pa idunia tu kubasafiri mapita njia. Nous ne venons pas faire notre permanence sur cette terre. C'est pourquoi il faut être toujours prêt de quitter cette terre. Puisque nous sommes des pèlerins voyageurs. Nous passons seulement sur cette terre. Il y a des gens qui vivent, c'est comme si cette terre, ils doivent vivre éternellement. Non, nous sommes des voyageurs et pèlerins. Et il a influencé les rois pour tuer les Juifs. Ce peuple ici était choisi par Dieu lui-même. Ce peuple ici était choisi par Dieu lui-même. Et nous sommes choisis par Dieu lui-même. Il n'y a rien que nous avons fait. Est-ce que l'Église écoute cela? Ce n'est pas nous-mêmes qui s'est choisi, non. C'est Dieu qui nous a choisis. C'est Dieu qui nous a fait ce que nous sommes. Il n'y a personne qui a fait une demande d'emploi, une demande à Dieu pour être sauvé. Personne. Tu n'as pas fait une demande. Dieu, je fais une demande. J'aimais même mes qualifications. J'ai étudié beaucoup. J'ai fait ça. Je suis un homme de bien. Alors sauve-moi. Il n'y a personne. C'est par la miséricorde de Dieu que nous sommes sauvés. C'est Dieu lui-même qui nous a choisis. C'est Dieu lui-même qui nous a sauvés. Et ce peuple ici, c'est Dieu qui l'a choisi. Et partout où ils étaient, ils marchaient sous promesse. Est-ce que vous croyez que nous sommes sous promesse? Vous n'êtes pas sous promesse. Est-ce que vous croyez que nous sommes sous promesse? Ma soeur, il faut répondre avec joie. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes sous promesse. C'est pourquoi vous voyez, Dieu a dit à Josué, tout lien que foulera votre pied, je vous le donne. Partout où nous piétinons notre pied, Dieu nous les donne. Et il n'y a aucun démon qui peut se tenir. Nous sommes sous promesse. Si ose déranger l'enfant de Dieu, tu as un problème sérieux avec Dieu. C'est vrai. Nous sommes un peuple choisi par Dieu. Nous sommes un peuple sauvé par Dieu lui-même. Celui qui nous a appelé, ce n'est pas un homme. Celui qui nous a appelé, c'est le roi des rois. Tout lien que foulera votre pied, je vous le donne. Nul ne se tiendra devant toi tant que tu vivras. C'est la promesse, frère. C'est la vérité. Nul ne se tiendra devant toi tant que tu vivras. C'est pourquoi nous ne croyons pas au sorcier qui peut m'ensorceler. Jamais. Tout celui qui est dans les mains de Dieu, il n'y a personne qui peut l'arracher. Même les gens mauvais nous connaissent. Nous sommes un peuple qui est sous promesse. Tu oses, tu as un problème avec Dieu. Puisque quand Dieu fait quelque chose alors, Dieu protège. Si Dieu t'a sauvé, Dieu doit te protéger. Dieu doit être un secours pour toi qui ne manque jamais dans la détresse. Il est le soutien de notre vie. C'est la vérité. Quand Dieu te sauve, tu deviens sa propriété privée. Ta vie est dans la main de Dieu. Maisha yako ndio mikono ya Mungu. Il n'y a rien que l'homme peut faire. Hakuna kile mtu anaweza kufanya. C'est la vérité. Ndugu ni bia kweli. C'est la vérité. Ni bia kweli. C'est la vérité. Ndugu ni bia kweli. Écoutez dans Psaume ce que David. Mushike muzaburi kile David. Psaume 27. Zaburi 27. Il n'y a rien que l'homme peut faire. Hakuna kile mtu anaweza kufanya. Si Dieu est pour toi. Kama Mungu yuko ngapo. Qui sera contre toi? Nani atakuya atakupinga? Écoutez Psaume 27. L'Éternel est ma lumière. Wa milele Mungu ni nuru yangu. Et mon salut. Na wokovu wangu. De qui aurais-je crainte? Nani ule mitaogopa? Frère, ma soeur. De qui aurais-je crainte? Nani ule mitaogopa? Jamais. Hakuna. L'Éternel est le soutien de ma vie. Wa milele Yehova njoo kuna shikamanisha maisha yangu. Berger, mchungaji, pasteur, pastori. Si Dieu a un programme avec vous, kama Mungu ana matengenezo na wewe, il n'y a rien qui peut vous arriver. Hakuna kile kitakufikia. Jamais. Hakuna. Est-ce que vous comprenez cela? Eti mnaelewa ile? Si Dieu a un programme avec vous ici, kama Mungu ana matengenezo na wewe, il n'y a rien qui peut arriver. Hakuna kile kitakufikia. Jamais. Hakuna. Même si tu es dans l'avion, ataka mauku mundeke, tu tombes, unanguka, il reste un morceau. Kuna bakia tu kipande kaloko. Et ça tombe même dans la mer. Na ikaka kipande kanaongea dans ce morceau là qui reste. Ataka kipande kanaongea. Qui va tomber dans la mer? Tu seras là-bas. Utakuwa mule ndani. Et même l'eau va te sécuriser. Na ta mai takukinga. Dieu va ordonner à l'eau de te sécuriser. Mungu ataruhusu kwa mai. Et quand les marins viennent, na wakati on va te trouver vivant. Batakukuta uko mzima. Notre vie est dans la main de Dieu. Baisha yetu kumikono ya Mungu. C'est Dieu qui ordonne tout. Ni Mungu anaruhusu vyote. Si Dieu ordonne que mon, allez, j'ai besoin d'attraper celui-là et de le faire rentrer à la maison. C'est Dieu qui ordonne. Il n'y a rien que tu peux faire. Mina ruhusu upate kumbeba warudie kwa. Même si vous consultez le médecin et le médecin lui a déjà décidé c'est final. Yesha kubeba mpango kusha kumalizika. Et si Dieu n'a pas ordonné, il n'y a rien qui peut arriver. Hakuna kile kitafika. Rien. Hakuna. Si tu as un programme avec Dieu. Kama kuna mapu na Mungu. C'est pourquoi la Bible dit. Njoo kwa maana Biblia inasema. Je suis sans crainte. Niko bila oga. Je marche sans crainte. Mina tembea bila oga. L'Éternel est le soutien de ma vie. Mungu jeko msaada kwa maisha yangu. De qui aurais-je peur? Nani ule mitaogopa? Quand des méchants s'avancent contre moi, batandabaya wanakuya kwangu. Pour dévorer ma chair. Je kurarua mwili yangu. Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancelent et tombent. Bali bwe kuniteso na baadhi yangu watanguka. Si une arme se campait contre moi, kama sila moya yabanishimamisha kwangu, mon cœur n'aurait aucune crainte. Moyo wangu haitakuwa na woga hata mmoja. Si une guerre se levait contre moi, kama mvita inalamuka kwangu, je serai malgré cela plein de confiance. Mimi nitakuya hata vile mwikuja na tumaini. Je demande à l'Éternel une chose. Mimi naomba kwa Yehova que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Mimi napenda kuishi siku yote pour contempler la magnificence de l'Éternel. Et pour admirer son temple. Notre désir, c'est rester toujours dans la parole. Toujours dans la parole. Toujours dans la parole. Toujours dans la parole. Et cet homme ici haïssait les Juifs. Aristukia. Il haïssait les Juifs. Aristukia Bayuda. C'est un peuple à part. Ni batu walikuwa benyikuweka pembeni. Un peuple qui marchait sous les promesses de Dieu. Taifa liko natembea chini ya malako ya Mungu. Et Dieu avait dit à Josué. Na Mungu alimwambia Yoshua. Je serai avec toi. Mimi nitakuwa pamoja na wewe. Je ne te délaisserai pas. Mimi sitakuachilia. Et je ne t'abandonnerai. Mimi sitakuacha kamwe. Et c'est vrai. Na ni bia kweli. Dieu n'abandonne jamais son peuple. Mungu achilia yake kamwe taifa. Dieu ne peut pas vous appeler comme ça. Mungu hawezi kuita. Et vous laisser comme ça. Na nakuacha paka hivi. Si Dieu vous appelle, il doit vous accompagner partout vous êtes. Mungu anakuita na pasha kushindikiza. Et il doit accomplir sa promesse. Na anapasha kutimiza malako yake. Et il était sous promesse. Na barikuwa chini ya malako. Partout ils allaient. Wote kule baranza kwenda. Il marchait et il se trouvait sous promesse. Na barikuwa natembea barikuwa chini ya malako. Fa nduku. Dieu lui-même le témoigne. Mungu yeye mwenyewe anashuhudia. Ce peuple ici, c'est Dieu qui l'a choisi. Hii taifa ni Mungu alichagua. Israël, il n'y a personne qui avait choisi Israël. Israël hakuna yule alichagua. C'est Dieu lui-même qui avait choisi Israël comme son peuple. Ni Mungu yeye mwenyewe alichagua Israël sa taifa yake. Et ici à Kambo. Na umu mukambo. Il n'y a personne qui nous a choisi, hakuna qui nous a appelé, c'est Dieu lui-même qui nous a choisi. Hakuna yule Twitter chakula Twitter ni Mungu yeye mwenyewe. C'est la vérité. Ibya kweli. C'est la vérité. Ibya kweli. Deutéronome. Kumbukumbu la Torati. Deutéronome. Kumbukumbu la Torati. C'est Dieu qui nous a choisi. Ni Mungu alituchakula. Il n'y a personne qui nous a choisi. Hakuna mtu alituchakula. C'est Dieu qui nous a aimé. Ni Mungu alitupenda. Deutéronome 7. Kumbukumbu la Torati sura ya 6. Verset 6. Mstari wa 6. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. Wani huku taifa takatifu njua wa milele Mungu. Il y a un peuple saint ici. Eti huku taifa takatifu hapa. L'Éternel ton Dieu t'a choisi. Wa milele Mungu pour que tu fasses. Njoo ufanye. Pour que tu fasses un peuple qui lui appartient. Njoo pate kuya taifa ile ina. Entre tous les peuples. Katikati ya watu wote. Qui sont sur la terre. Sur la face de la terre. Yenye kuya pa dunia. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous. Aina sema mnapita kwa wingi mataifa mengine njoo milele yambatana na mweye. Et qu'il vous a choisi. Na ni chakula. Car. Kwani. Vous êtes le moindre de tous les peuples. Muko bakidogo katikati ya bantu bote. Mais parce que l'Éternel vous aime. Lakini njoo milele na mipenda. C'est parce que l'Éternel vous aime. Njoo milele na mipenda. Parce qu'il a voulu tenir les seulement qu'il avait fait à vos pères. Ni kwani alipenda kutimiza malako alifanyia kwa baba yake. L'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante. Wa milele mitoshaka kupitia mkono wake wa uwezo. Vous a délivré de la maison de servitude. Alimkomboa mnyumba butumwa. De la main de Pharaon, roi d'Égypte. Ya Pharaon ni mfalme wa Misri. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ujue sasa basi ya kwamba ni wa milele Mungu. C'est Dieu fidèle, garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Huyu Mungu mwaminifu yuko na chunga agano yake na rema yake kubala napenda kufika hata kwa elfu ya mabizazi. Ah! Et ce peuple ici était choisi par Dieu. Na hii taifa ni Mungu alichagua. Parmi où il marchait sous promesse. Fashi yote wanaanza kutembea chini ya malaku. Voilà comment incroyable marche. Jo vile mwaminifu na partout il est sous promesse. Fazi yote eko chini ya malaku. Partout vous allez. Fazi yote unaenda. Et notre foi est ancrée uniquement sur les promesses. Na imani yetu yenye kutiwa nanga paka mu malako ya Mungu. C'est ce qui nous différencie des autres églises. Je ne te chanisha na makanisa yote ingine. Parce que nous sommes un peuple sous promesse. Jo tuko batu beko chini ya malaku. Est-ce que vous croyez cela? Eti munamini vile. Est-ce que vous croyez cela? Eti munamini que nous sommes un peuple sous promesse. Ya kwamba tuko bantu beko. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Et c'est ainsi qu'un croyant doit marcher. Jo vile muamini fanapasha kutembea. Et vous voyez mes frères? Na munaona banduku yangu. Et ce peuple ici. Na hii taifa. Partout il se trouve. Fazi yote walikuwa wanapatikanika. Ils étaient sous promesse. Walikuwa chini ya malako. Mais arrivé assise. Lakini wakati walifika walikusuza. Il y avait un homme qui haïssait beaucoup les juifs. Kulikuwa mtu mwakwasha kuchukia sana bayudi. Ma soeur et mon frère. Dada yangu na nduku yangu. N'haïssait jamais mushikie un enfant de Dieu. Mutoto wa Mungu. N'haïssait jamais. Jamais, jamais, jamais un enfant de Dieu. Mushichukie kamwe, kamwe, kamwe mtoto wa Mungu. Quand vous haïssez un enfant de Dieu, wakati unachukia mtoto wa Mungu, vous haïssez Dieu. Unachukia ni Mungu. Et vous aurez des ennuis avec Dieu. Na utakuwa na matatizo na Mungu. Quand vous haïssez seulement un enfant de Dieu, wakati tunachukia mtoto moyo wa Mungu, vous êtes dans la bataille avec Dieu. Unakuwa sa mvita na Mungu. Et il n'y a personne qui peut se tenir devant Dieu. Na kuna mtu ataweza kushimama mbele ya Mungu. Et cet homme a été les juifs. Na huyu mtu alikuwa shakuchukia bayuni. Il a influencé. Aliuchongea. Il a influencé. Aliweza hata kuchongea kumungu. Pas kuchongea pana. je comprends. Ah, il a influencé les rois à faire mourir. À faire rédiger une lettre pour tuer les Juifs. Barua mwanjwa kuwa bayuda. Frère. Nduku. Ma soeur. Dada yangu. Vous haïr une soeur ou un frère. Unaweza kuchukia nduku moya ou dada moya. Mais vous ne pouvez pas enlever la grâce de Dieu sur cet homme. Lakini hawezi kuondosha neema ya Mungu. Jamais, jamais et jamais. Kamwe, kamwe na kamwe. Vous pouvez haïr une sœur. Unaweza kuchukia dada moya. Vous pouvez haïr un frère. Unaweza kuchukia nduku moya. Mais tu ne peux pas influencer Dieu à haïr cet homme-là. Jamais. Et tu peux même influencer les hommes à haïr ta sœur ou ton frère. Mais tu ne peux pas influencer Dieu de l'haïr. Jamais et jamais. Jamais. Et c'est ce que cet homme a fait à Man. Il a influencé les rois d'haïr les Juifs sans connaître que le Juif a un Dieu vivant. Frère, nous avons un Dieu vivant. Celui qui nous a appelé, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un président de la République. Nous avons un Dieu vivant. C'est ça. Joile. Et Dieu a vu ça. Na Mungu aliona vile. Frère. Nduku. C'est pourquoi vous voyez même Balak. Joko mana muriona ta Balak. Il est allé voir Balaam. Arienda kumwona Balaam. Dit maudit ce peuple ici. Asema laani hawa wataifa. Maudit ce peuple pour moi. Laani hawa batu. Et irrite-toi contre ce peuple. Na shirikisha hawa batu. Et Balaam a dit, na Balaam alisema, comment maudirais-je celui que Dieu n'a pas maudit? Je mitaweza kulaani bale Mungu ashukani. Tu ne peux pas maudire celui qui est béni. Awezi kulaani ule bashakubariki. Kamwe. Et tu ne peux pas bénir ce que Dieu a maudit. Na awezi kubariki ule Mungu ashakulaani. Jamais. Kamwe. Jamais. Kamwe. Jamais. Kamwe. Tu ne peux pas faire ça. Mungu awezi kufanya vile. Il dit, comment serais-je irrité quand l'Éternel n'a point irrité contre ce peuple? Je mitaweza kushirika wakati wa miele ya shirika. Je vois ce peuple ici. Mina ona itaifa. Du sommet des rochers. Il kwa yulu ya mwamba. Beko yulu ya mwamba. Il au sommet du rocher. Je le vois contempler du haut des collines. Mina baona beko yulu ya mulima abe onangalia. C'est un peuple qui a sa demeure à part. Ni taifa mwe kuna makao ya. Nous sommes un peuple qui a notre demeure à part. Tuko bantu bebe kuna makao ya. Nous pouvons marcher sur la terre. Mais notre vie est ancrée dans la parole. Lakini maisha yetu kwenye kweli. Notre vie est protégée par Dieu lui-même. Sisi tunakingwa na Mungu yeye mwenyewe. Non, je vois sa demeure à part. Apana. Je vois sa demeure à part. Mina ona makao yake pembeni. Je ne peux pas faire ça. Mishiwezi kufanya vile. Non. Apana. Eh, quand il a dit cela, na wakati alisema vile, il dit non. Asema apana. Maudit ce peuple. Lani abata. Et quand il maudissait, na wakati anaanza kulaani, il voyait qu'il maudissait. Yeye anaanza kuwajesha na bwana lani. Non. Apana. Dieu lui avait dit ne, tu ne dois pas maudire ce peuple. Mungu alimwambia si apana kulaani taifa. Et Dieu a mis les paroles de bénédiction na Mungu aliweka maneno ya baraka dans la bouche de Balaam. Mukinywa ya Balaam. Pendant que Balaam parlait, wakati Balaam alikuwa anasema, lui croyait qu'il maudissait alors qu'il prononçait seulement les bénédictions de Dieu. Alikuwa anatangaza paka mabaraka. Que Dieu vous bénisse richement. Mungu amibariki kwa utu. Ah, c'est ça. Joili. C'est ça incroyable. Jo inyekwa mwaminifu. Quand il est dans la maison de Dieu, on prêche la parole. Il dit toujours, amen à la parole. Il est là. Eko pale. Et il dit, non, tu ne maudis pas. Nasema ubalani. Dis comment? Je ne peux pas faire ça. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Car l'Éternel a béni. Je ne peux pas révoquer cela. Tu ne peux pas révoquer ce que Dieu a béni. Jamais. Aujourd'hui, tu ne peux pas changer le système catholique. Dieu a dit, c'est fini avec les catholiques. Dieu a dit, c'est fini avec les dénominations. Dieu maintenant travaille, Dieu maintenant appelle son peuple à sortir du monde pour le servir. Et c'est ça incroyable. Et maintenant, cet homme ici, il a essayé les Juifs. Et nous voyons même dans l'église aujourd'hui. N'haïssez jamais dans l'église du Dieu vivant un enfant de Dieu. Je dis, n'haïssez jamais un enfant de Dieu. Aujourd'hui, comme la Bible dit dans Proverbe comme, que nous avons lu là-bas, la Bible dit ceci. Dans Proverbe que nous avons lu là-bas, à chapitre 12, la Bible dit, l'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel, mais l'Éternel condamne celui qui est plein de malice. Aujourd'hui, nous avons déjà plein de malice dans l'église. Ils sont dans l'église. Frère, quand vous êtes dans l'église, ma soeur, quand vous êtes dans l'église, et que vous voyez uniquement les erreurs, cela veut dire votre motif n'est pas bien. Votre motif n'est pas bien. Frère, un enfant de Dieu ne voit pas les erreurs. Si tu es dans l'église, pour voir seulement les erreurs, cela veut dire ton motif n'est pas bien. Tu dois demander à Dieu pour que Dieu t'aide. Ouais, c'est la vérité. C'est un mauvais esprit. C'est un esprit de pharisien. L'esprit de pharisien, c'est voir les erreurs dans Jésus-Christ. C'est la vérité. C'est la vérité. Je dis c'est la vérité. Un enfant de Dieu ne doit pas être dans l'église pour voir les erreurs. Ou parler mal de son église. Un enfant de Dieu qui parle mal de son église, il est maudit. Si tu t'amènes, c'est la vérité. Un enfant de Dieu, membre de l'église, qui parle mal de son église, cet enfant de Dieu est maudit. Ou un enfant de Dieu qui parle mal de son pasteur, de ses diacres, de ses conducteurs, cet homme-là est sous l'influence du diable. Dites amen. Je n'entends pas votre amen. Dites amen. C'est correct. Tu ne peux pas être dans l'église et voir les erreurs. Jamais et jamais et jamais. Si tu es dans l'église et que tu vois seulement les erreurs, cela veut dire que tu es sous l'influence du diable. Et la Bible dit, l'Éternel condamne celui qui est plein de malice. C'est ça, Boujanja. La malice. Ici, la malice qu'on parle, ce ne sont pas les païens. C'est le malice des gens qui sont dans l'église. Dans l'église, il ne faut jamais amener le malice. Tu termineras très mal. Quand Dieu s'élève, celui qui nous a amené ici, c'est Dieu. Nous sommes en pleine préparation pour voir les rois des rois. Nous ne venons pas ici pour blaguer. Si tu viens ici pour faire la politique, c'est ton problème. Nous sommes ici pour vous préparer sérieusement. Et Dieu nous a amené ici. Aucun enfant de Dieu ne doit pas haïr l'autre. Nous devons vivre dans l'amour. Dieu est amour. Et celui qui aime Dieu doit manifester toujours l'amour de Dieu. C'est la vérité, frère. C'est la vérité. Je dis c'est la vérité. C'est ça la famille que Dieu nous a donnée à Kambo. C'est ça la famille que Dieu nous a donnée à Kambo. On ne connaît personne selon la chair. Et si ce n'était pas la parole, est-ce que vous devrez me connaître? Ou bien moi, je devrais vous connaître. C'est la parole qui nous a fait comme ça. C'est ça la famille que Dieu nous a donnée. Et louons Dieu pour cela. Que la croix lui revienne. Gloire, honneur lui revienne. La puissance lui revienne. Puisque c'est lui qui nous a sauvés. C'est la vérité. Et il ne faut jamais amener la malice dans la maison. C'est pourquoi il faut prier beaucoup. Et un chrétien ne se limite pas sur la justification seulement. Jamais. Un chrétien c'est quelqu'un qui prospère. Il fait un pas. Il fait la deuxième pas. Il fait la troisième pas. C'est ça un chrétien. Si je suis justifié, ma vie doit être maintenant sainte. Ma vie doit être sanctifiée. Marquée dans la crainte de l'éternel. Et ce n'est pas fini. Je dois être obéissant à la parole. Obéissant toute la parole de Dieu. Pour attirer le faveur de Dieu. Pour que Dieu puisse me donner le Saint-Esprit. Puisque c'est ça les grandes richesses que nous avons sur ce monde. Après les salles. C'est ça. Joël. Et on ne doit pas mener les malices. Na tuwezi kuleta buchanja. Jamais. Kamwe. Frère. Nduku. Il y a les gens, frère. Kuko ma soeur, il y a les gens qui saillissent dans l'église. Dada, kuko bantu wewe unachukiana mkanisa. Quelle honte. Aya kani. Les gens qui attendent les second venus de Jésus-Christ. Les gens qui attendent les retours de Jésus-Christ. Haïr. Kuchukia. Frère. Tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. C'est la vérité. Un chrétien, on peut l'haïr. Mais lui ne peut pas haïr. Jamais. En lui, il prie même. C'est qu'il est fait. Il dit Dieu, pardonne-le. Ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ça un chrétien. Dieu qui n'est pas mon Christ. Nous nous préparons sérieusement. Et nous vivons correctement pour attirer le faveur de Dieu. C'est pourquoi il ne faut pas amener le malice dans la maison. Et je dois soutenir mon frère. Je dois soutenir mon frère. Je dois soutenir ma soeur. Aussi longtemps que nous communions la même foi. Aussi longtemps que nous appelons derrière notre pasteur. Aussi longtemps que nous appelons cette église, notre église locale. Nous devons nous soutenir l'un et l'autre. C'est la vérité, frère. Si je n'ai pas l'argent pour soutenir mon frère, je le ferai pour yeah. C'est ça. C'est ça la famille que Dieu nous a donnée. C'est mon frère. Si j'ai quelque chose contre mon frère ici, ou ma sœur ici, je ne sais pas même se tenir debout pour prier. Jamais. Tout en sachant que j'ai la haine contre un frère. La haine, c'est du diable. La haine est du diable. C'est la vérité. Et c'est ce que cet homme faisait. Écoutez ce que Frère Abraham dit. Dans le message, là où je pense que les pentecôtistes ont failli. Les pentecôtistes ont failli. Mais ça quoi? Au paragraphe 60. Il dit ceci. Si je n'arrive au point où je ne peux mettre mon bras autour de mon frère qui travaille pour le royaume de Dieu, et le reconnaître comme mon frère ou ma soeur, le reconnaître comme ma soeur ou mon frère, si j'échoue de faire cela, je me sentirai rétrograde. Comme je suis déjà tombé, si je n'arrive pas à aimer ma soeur, à aimer mon frère, je me sentirai rétrograde. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Je me sentirai rétrograde. Amen. Amina. Il dit Amen. Anasema Amina. Disons aussi Amen. Tusheme na sheye Amina. C'est la vérité, frère. Nibia kweri nduku. Certainement. Achika. J'aurais peur de me tenir sur la plateforme pour affronter les mauvais esprits. Minta kwa na boga kushimama pa kiwanja jua kukutana na mapepo mtu. Tout en sachant que j'ai de la haine envers un frère. Il est samisha kujua sema ni una chuki kwa nduku fulani. Peu importe ce qu'il est. Aizuru kile yeye ule nduku yake. Qu'il soit riche, akuye mtajiri, qu'il soit pauvre, akuye maskini, c'est mon frère. Ni nduku yangu. Nous sommes sauvés par le même sang. Tuko venye kolewa kwa damu moja. Nous avons un seul père. Tuko na baba moja. C'est la vérité. Ni bia kweli. C'est la vérité, frère. Ni bia kweli nduku. Le malice doit sortir de l'église. Bujanja unapasha kutoka mkanisa. Quand vous commencez à vous haïr, c'est pourquoi même vous critiquez même ce qui vous conduit dans le Seigneur. Et la Bible va très loin. Il dit, quand un conducteur se plaint de ta vie, la Bible dit tu ne peux pas prospérer. C'est la vérité. C'est la vérité. Quand celui qui vous conduit ou ceux qui vous conduisent, c'est plein de votre vie, tu ne peux pas prospérer. Il n'y aura pas de profit pour toi. C'est ça. C'est la parole. Et il dit ceci. En sachant que j'ai de la haine envers un frère, peu importe ce qu'il est. C'est nous qui avions tracé ces limites-là. Si nous ne pouvons pas aimer votre frère, si vous ne pouvez pas aimer votre frère que vous voyez, comment pouvez-vous aimer Dieu que vous ne pouvez pas, vous n'avez jamais vu? Je utaweza kupenda Mungu la unaka? Tu vois? Unaona? Tu es un menteur. Comment tu peux aimer Dieu que tu n'as jamais vu? Haïssa ton frère. Jamais. Frère, lorsque l'amour se manifeste, Dieu est là-dedans. Car Dieu est amour. Et vous n'arriverez nulle part sans l'amour divin. Et quand vous aimez l'un l'autre, vous aimez Dieu. C'est ça. Donc, dans l'église, pour que nous puissions commencer à tirer les faveurs de Dieu, tout sourire doit sortir de l'église. Toute malice doit sortir de l'église. Nous devons nous soutenir l'un et l'autre. Nous devons vivre selon la parole de Dieu. Nous devons vivre selon la promesse de Dieu. Et Dieu nous bénira. Nous verrons ce jour-là les rois des rois. La parole nous entendons ici, nous sanctifie déjà. Si nous restons dans l'obéissance à la parole, Dieu est capable de nous donner le Saint-Esprit et ce jour-là, nous serons élevés. C'est ça. Cet homme ici a haïssé les Juifs. Et c'est là où nous commençons aujourd'hui. La haine, chuki, c'est un cancer. Ni cancer. Dans l'église, Mukanisa. Il faut enlever cela. Il n'a pas kuitoshe. Et ce qui donne la haine, na ile unaleta chuki, ça vient de l'envie. Iko natokea kutama. L'envie, c'est une grossesse. Tama inakuwa ni buzito ya mimba. Qui engendre le jumeau. Ile kunazala bamapasa. La haine et la jalousie. Chuki na wivu. La jalousie et la haine sont des jumeaux. Ils mangent toujours ensemble. Et le deux jumeaux là vient de l'envie. Et c'est ce qui a fait tomber le diable. C'est l'envie. Et si dans l'église, le malice entre, et que un homme ou une femme commence à envier quelque chose. On ne vient pas ici pour une compétition. Nous ne sommes pas ici pour la compétition. Même si j'ai une patte, si je garde la parole, cela me suffit. Jésus suffit pour moi. C'est ça. Pour ce soir, que Dieu vous bénisse. Pour ce soir, que Dieu vous bénisse. Pour ce soir, que Dieu vous bénisse. C'est ça, frère. Nous devons faire cela. Que Dieu nous aide vraiment. Ouais, entendons d'abord ce cantique ici. 155. 155. Mimboza Mungu. C'est bien ça. Yesu. Ah, tu viens pas, on chante comme ça. Mumaboko ya kwalesa, njumutende. Est-ce que vous connaissez cela? Mumaboko ya kwalesa, njumutende. Comment c'est vrai? Anzandu.